d'aller au mariage d'un copain de mon village. Nous avons dîné au milieu d'un champ de blé rasé. Fiancé faisait des mots dans son bel habit de location, lorsque soudain les Beatles sont arrivés. Sur une botte de foin, allez. Fiancé, c'est quoi?